franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Cette guerre, c'était l'histoire de deux chauves se battant pour un peigne. Ainsi, le grand écrivain argentin Borges parlait-il avec humour du conflit qui, il y a exactement 30 ans, a opposé son pays à la Grande-Bretagne. La guerre des Malouines, du nom français de cet archipel désolé, jeté à l'extrémité sud du continent américain, à quelques centaines de kilomètres des côtes argentines. Une petite guerre, certes, mais qui a quand même causé un millier de morts. C'était payé très cher pour la possession de ces îlots inhospitaliers où vivaient alors 1800 éleveurs et pêcheurs et 600 000 moutons. Alors, une guerre pour rien? Pas tout à fait, car pour les dirigeants des deux pays belligérants, il s'agissait aussi, en suscitant une vague de nationalisme, de redorer une popularité déclinante. Opération réussie pour le Premier ministre britannique, Margaret Thatcher, qui, en remportant la victoire sur le terrain, y a aussi gagné sa réélection. Opération perdue pour le dictateur argentin, le général Galtieri, qui a entraîné la junte la plus sanguinaire d'Amérique du Sud dans sa défaite militaire. 30 ans plus tard, la tension monte à nouveau entre la Grande-Bretagne et l'Argentine au sujet des Malouines. Mais pour reprendre l'image de Borges, les dents du peigne sont aujourd'hui dégoulinantes de pétrole et ça explique bien les choses. Monsieur X rouvre donc ce dossier qu'il avait déjà traité en 2002. Il y apporte bon nombre de révélations. Souvenez-vous, d'une certaine façon, la guerre des Malouines a été aussi une victoire française. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Elle a projeté au premier plan une petite merveille de technologie française, l'Exocet. Oui, le missile Exocet. Exocet, le poisson volant qui, à l'imitation de ce dernier, volant au ras des vagues après avoir été lancé d'un avion ou d'un navire, est difficilement détectable. Et en 1982, cet AM-39, son appellation technique, va faire la preuve spectaculaire de son efficacité. Oui, en provoquant la perte d'un destroyer britannique. Le Sheffield, oui, qui a sombré en quelques heures après avoir été frappé. Un désastre pour la Grande-Bretagne qui a néanmoins été fêtée au champagne par les industriels français de l'armement. N'exagérez pas, là. C'était quand même, c'est vrai, une excellente publicité. Il n'y a rien de tel qu'une démonstration grandeur nature pour faire la promotion d'une arme, non? Et puis, disons-le tout de suite, l'Exocet, même si très peu d'exemplaires ont été tirés au cours de cette guerre des Malouines, en aura été la vedette. Car il sera au centre des préoccupations des belligérants. Les uns n'ayant de cesse de les repérer pour les détruire, et les autres cherchant à tout prix à les dissimuler. Mais enfin, j'y reviens tout de suite. Auparavant, un mot sur les origines de cet étrange conflit. Une guerre qui a semblé incongrue, tant les enjeux semblaient dérisoires. C'est juste. Ouais. Alors, une explication rapide, puisque nous avons déjà abordé cette affaire il y a une dizaine d'années. Et d'abord, ses origines historiques. Au XVIIe et XVIIIe siècle, des marins de Saint-Malo prennent pied sur cet archipel quasi désertique qu'ils rebaptisent Malouines. Ouais. Mais avant, il y avait une brève occupation britannique. D'où leur première appellation Falklands. Puis la France vend le territoire à l'Espagne. Au début du XIXe siècle, l'Argentine, colonie espagnole, devient indépendante et revendique aussitôt son autorité sur les Malouines. Malvinas, en espagnol. Les quelques dizaines de personnes qui y vivent encore n'opposent aucune résistance lorsqu'en 1833, deux bâtiments de guerre britanniques y débarquent des soldats. La Grande-Bretagne, arguant de ses droits historiques sur ces terres, reprend possession des Falklands, expulse ses habitants et installe des colons et une petite garnison. Mais l'Argentine n'a jamais accepté cette situation. Et elle n'a cessé de réclamer la restitution de ses îlots. Ce contentieux permanent est même porté devant l'ONU, qui recommande aux deux pays de parvenir à un accord. En vain. Ni la Grande-Bretagne, ni l'Argentine ne veulent céder. Jusqu'à ce mois d'avril 1982, où 5000 fusiliers marins argentins débarquent à Port Stanley. immédiatement rebaptisé Puerto Argentino. Ouais. Les Britanniques ont-ils été pris par surprise? Pas tout à fait. L'invasion argentine était dans l'air, si j'ose dire. Mais Margaret Thatcher semblait s'en moquer, à tel point qu'elle avait même rappelé un navire de surveillance qui patrouillait dans ces eaux glacées. Mmh. Aurait-elle pu ainsi tendre un piège aux Argentins? En les incitant à passer à l'action? Bah, pourquoi pas? Faut pas sous-estimer le machiavélisme d'une dame de fer qui avait un besoin urgent de se refaire une santé. Ouais, une petite guerre pour rebondir dans les sondages? Objectivement, c'est le résultat auquel elle parviendra. Enfin, passons, puisqu'on ne peut pas le prouver. Et notez que parallèlement, les généraux argentins, qui régnaient par la terreur, mais devaient faire face à des grèves et des manifestations, avaient eux aussi besoin de reconquérir l'opinion publique. Et quoi de mieux pour ces tortionnaires que d'infliger une petite piqûre de nationalisme à la population argentine? Oui, en quelque sorte, pour la galvaniser. Évidemment. Donc, 5000 fusiliers marins débarquent sur la principale île des Malouines. Ils bousculent facilement la petite garnison britannique. Buenos Aires annonce triomphalement que l'Argentine a repris possession de son bien. Et d'autres soldats rejoignent les premiers fusiliers marins. Ils sont bientôt 15 000. Et la population locale, alors? Elle est majoritairement d'origine britannique. Et bien, elle subit en maugréant. Toutefois, il faut reconnaître que l'occupant, appelons-le comme ça, se conduit plutôt courtoisement, malgré l'hostilité visible des habitants. Et comment réagit Londres, alors? Tout en demandant une médiation américaine, Margaret Thatcher choisit l'option militaire et rompt ses relations diplomatiques avec l'Argentine. La reconquête, quoi. Elle est décidée à en découdre si les Argentins ne se retirent pas. Et à peine 3 jours après l'invasion, le premier navire de la force d'intervention britannique prend la mer. Le premier d'une escadre qui regroupera presque 50 bâtiments. Ouais, une véritable armada. Ce sont les fleurons de la Royal Navy qui vont être envoyés là-bas à plus de 13 000 kilomètres, dont ces 2 porte-avions et des sous-marins à propulsion nucléaire. Mais il y a aussi des navires ravitailleurs, bien entendu. Et tout ça pour défendre des îlots semi-désertiques. Et quelques centaines de citoyens britanniques, oui. La disproportion me paraît, moi, manifeste. Bon, encore une fois, vous avez raison, mais Margaret Thatcher joue son va-tout politique dans cette affaire. Ouais. Tandis que l'escadre britannique la vogue vers les Malouines, j'imagine que les diplomates doivent s'agiter. Ah ben naturellement, surtout les Américains, qui semblent les plus embarrassés par cette affaire. Parce que ce sont 2 pays amis qui risquent de se faire la guerre. Et si le conflit éclatait réellement, ils seraient obligés de choisir leur camp. Ouais, entre la Grande-Bretagne, alliée traditionnelle, et fidèle entre les fidèles, ouais, et l'Argentine à laquelle ils sont liés par un traité militaire. Et si les États-Unis laissaient tomber Buenos Aires, ça aurait forcément des conséquences dans les autres pays du continent. Oui, parce que ces pays risqueraient de ne plus leur faire confiance. Par conséquent, Reagan et son secrétaire d'État font tout ce qu'ils peuvent pour aboutir à un accord. Mais Buenos Aires ne bouge pas d'un pouce. Pour la junte, les Malvinas sont argentines, un point, c'est tout. Puis face à la liesse populaire qui s'est emparée du pays, les généraux peuvent difficilement reculer. Donc on va tout droit à la guerre. Ça semble être, en effet, inévitable. Mm-hmm. Et sur le papier, au moins, les Britanniques sont en position de force. Hein. Oui, car la marine argentine ne fait pas le poids en face de la Royal Navy. Ces bâtiments sont anciens et moins bien équipés. Ah oui, mais il y a les exocètes fournis par la France. Et ils l'ont été dans le cadre d'un contrat d'armement franco-argentin signé en 1979. Au terme duquel la France doit livrer 14 super-étendards équipés d'une quinzaine de missiles Exocet d'ici septembre 1982. S'y ajoute un autre contrat de vente de 48 missiles Exocet MM40, la version destinée à équiper les navires. Ouais. Et au moment où commence la guerre des Malouines, là, combien d'Exocet ont-ils été livrés? 5, qui doivent être installés sur les 5 premiers super-étendards déjà arrivés en Argentine. Et ça veut dire, en passant, que le gouvernement français de l'époque n'a aucun scrupule à vendre du matériel militaire à un régime dont nul n'ignore les exactions et les atteintes aux droits de l'homme. Hein. Mais la coopération avec la junte militaire va même beaucoup plus loin. Quelques informations sur le fameux Exocet, une création de l'ingénieur français Émile Stauff. Je les ai trouvés dans le dernier numéro de la revue « Guerre et Histoire ». L'ingénieur dépense la plupart de ses crédits à concevoir une électronique complexe, une batterie électrique légère et un radioaltimètre très sensible qui permettent au missile d'imiter le comportement du poisson volant auquel il emprunte le nom. Rasant le sommet des vagues, l'engin est très difficile à détecter et presque impossible à arrêter. Le résultat ? Une brillante réussite. Un ministre britannique figure parmi les dignitaires étrangers invités à assister aux essais au début des années 1970. Ils sont si impressionnants que le Royaume-Uni en commande immédiatement au fabricant la société nationalisée aérospatiale. Les Britanniques ne sont pas les seuls convaincus. En 1982, l'Exocet est déjà un best-seller. Plus de 1800 ont été vendus dans le monde à 26 pays, dont l'Argentine. Vous affirmez donc que le pouvoir giscardien entretenait de très bons rapports avec les généraux argentins. Et je vais vous le prouver. Mais avant, je voudrais finir ce que je vous disais à propos des Exocet. Une équipe du fabricant aérospatial aurait dû se rendre en Argentine le 12 avril 82 pour les installer sur les super-étendards. Oui, mais à cette date, l'état de guerre a déjà commencé. Et les 10 de la communauté économique européenne ont décidé un embargo sur les armes à destination de l'Argentine. En revanche, des pilotes argentins se trouvent à l'entraînement sur la base aéronavale de Landivisio, près de Brest. Ouais. Donc en principe, les Exocet livrés en Argentine ne sont pas opérationnels. Leur installation sur les avions de combat et leur connexion avec l'électronique de bord sont en effet très complexes. Mais une équipe de Dassault, arrivée avant le conflit, se trouve bloquée en Argentine. Et même si ces techniciens n'appartiennent pas aux fabricants des missiles, ils peuvent certainement donner un coup de main aux aviateurs argentins. Ah, à moins que l'employeur ne leur interdise. Oui, mais enfin, cet ordre ne viendra jamais. Et c'est une première preuve du double jeu français dans cette affaire. Ouais. Parce qu'il y en aura d'autres ? Oh, bien sûr. Autre question, là. Les Britanniques savent-ils que les Argentins possèdent des Exocet ? Bien sûr. Même s'ils ne savent pas s'ils sont ou non en fonction dans l'aviation ennemie. Alors, pour ne pas être pris au dépourvu, ils s'adressent à Paris. C'est-à-dire ? Des contacts sont pris au niveau des services secrets. Et quand les Britanniques nous demandent quelques tuyaux précis sur les Exocet et leurs performances, il nous est difficile de refuser. Mais quel genre de tuyaux, alors ? Par exemple, les procédures de mise en œuvre, de parade, par exemple, ou des codes de contre-mesure pour tromper l'électronique de l'Exocet. Mais nous sommes encore allés plus loin. Lorsque l'escadre britannique, en route vers les Malouines, a frôlé les côtes françaises, des super-étendards se sont livrés à quelques exercices d'attaque simulée. Ouais, afin de montrer à la marine britannique comment échapper aux Exocet. C'est cela, et dans le plus grand secret. Car de l'autre côté, nous ne pouvions pas mécontenter l'un de nos principaux clients. Ouais, là, vous parlez des Argentins. Parce que d'une certaine façon, là, c'est une sorte de trahison commerciale. Ah, c'est évident. Mais en même temps, Paris ne pouvait pas se désolidariser de Londres. Aussi le patron de la DGSE, Pierre Marion, qui a le total feu vert de l'Élysée pour aider Londres, reçoit-il Alexis Foster, chef de station du MI6 à Paris. Il l'emmène même à Bordeaux pour lui montrer que les avions non livrés sont toujours cloués au sol. Ouais. Mais vous m'annonciez là une collusion entre les pouvoirs français et argentins. Avant la guerre des Malouines, c'est-à-dire aussi avant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 1981, même si la structure dont je vais vous parler a continué ensuite à fonctionner, mais sous une surveillance constante de nos services de renseignement. De quoi s'agit-il ? Il existait à Paris une succursale de l'armée argentine installée à Paris, avenue Marceau. Officiellement, cette commission d'armement naval était chargée des achats d'armes. Dirigée par le capitaine Carlos Corti et son adjoint Julio Lavezzo, elle était attachée à une autre organisation existant à Paris depuis 1977, le Centre Argentin de Diffusion, CAD. C'est là que ça devient intéressant. Pourquoi, là ? Ce CAD avait été directement mis en place par un proche du général Videla. Oui, Videla, le premier chef de la junte. Et surtout, cette structure dépendait directement de l'école supérieure de mécanique de la marine argentine. Oui, là où on détenait et torturait les opposants à la dictature. C'est en particulier dans ces locaux que sévissait le capitaine Alfredo Astiz, celui qu'on a appelé l'ange de la mort. Oui, l'assassin de deux religieuses françaises. Et le responsable de bien d'autres crimes, oui. Encore un mot en passant sur ce sinistre personnage. On peut être un bourreau qualifié et un bien piètre militaire. Présent sur les Malouines, lorsque les troupes britanniques vont y débarquer, Astiz n'aura rien de plus pressé que de se rendre Enfin, je reviens à ce que je disais. En France, ce bureau de la marine argentine avait été créé pour contrecarrer la campagne de boycottage du Mondial de foot 78 menée en France. Vous savez quoi, c'était une officine de propagande alors. Et ce CAD devient très vite une couverture pour un organisme parallèle, le Centro Piloto de Paris. Ouais. Des vrais poupées russes là. Oui, c'est... un empilement qui n'a rien d'innocent. Car il faut dissimuler les véritables activités de ces officiers. Ce Centro Piloto, créé par l'amiral Massera, avait pour rôle d'infiltrer le milieu des exilés argentins, de harceler les opposants et même, au besoin, les liquider. Sur le territoire français ? Ah, pourquoi pas. C'est dans cette mesure que j'ai parlé de connivence avec les autorités de notre pays. Car la police, sur ordre, a trop souvent fermé les yeux. Ouais, ce qui va quand même changer en 1980, enfin, oui, j'espère. Oui, ces militaires argentins ne pourront plus se livrer à ces activités subversives en France et devront se contenter d'effectuer leur mission première. Ouais, c'est-à-dire l'achat d'armement naval. Ce qui va nous ramener aux exocètes. Dès que le conflit est engagé dans les Malouines, le capitaine Corti et sa clique se démènent pour trouver de nouveaux missiles. Mais pas sur le marché officiel, puisqu'il y a un embargo. Et aussi vont-ils essayer grâce à des filières parallèles. Parce qu'il existe aussi un marché noir pour ces armements très sophistiqués. Mais avez-vous dit, ces Argentins sont étroitement surveillés. À la fois par les services français et britanniques. Et ceux-ci, dès qu'ils apprennent que le capitaine Corti a découvert une filière d'achat d'exocètes au marché noir, vont mettre au point une vraie opération d'enfumage. D'enfumage, c'est-à-dire C'est un vieil agent du contre-espionnage anglais, le MI6, qui est à la manœuvre. Un certain Anthony Devol. Ce dernier envoie à Corti un émissaire, un ex-marine US, qui se fait fort de lui livrer à Hambourg 30 exocètes à 1 million de livres pièces. Mm-hmm. Un bluff ? Pas tout à fait. Une rencontre a lieu, début mai. Mais la transaction s'éternise à dessein. Résultat, non seulement les Argentins n'obtiendront jamais leurs missiles, mais les agents secrets ont réussi à brouiller puis couper les contacts de Corti avec la véritable filière de trafiquants d'armes. Mais dans une autre occasion, les Français, décidément attachés à aider les Britanniques, vont livrer de précieuses informations à Londres. Il y a quand même une entourloupe là, de la présence en Argentine de la petite équipe de Dassault qui a permis le montage des exocètes sur les super-étendards. Mais justement, sans doute pour se faire pardonner, ce sont ces mêmes gens qui vont jouer un rôle important. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Pierre Marion, nommé patron de la DGSE, l'ancien SDEC, dès l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, confirme une partie de cette opération d'enfumage des Argentins, pour reprendre l'expression de M. X. Extrait de ses Mémoires de l'ombre, paru en 1999. La DGSE se trouve indirectement impliquée en avril 1982 dans la guerre des Malouines qui oppose Britanniques et Argentins. Un des croiseurs anglais ayant été coulé par un missile Exocet de fabrication française, je suis approché par l'adjoint de Margaret Thatcher chargé de coordonner les services secrets de Sa Gracieuse Majesté. La France a déjà décidé d'arrêter la livraison de ces missiles à Buenos Aires. Mais il reste encore quelques dizaines de pièces sur le marché. Nous réussissons, grâce à des interceptions téléphoniques, à les localiser et montons des opérations de sabotage empêchant leur livraison aux Argentins. Nos interlocuteurs sont fort contents de cette opération qui, beaucoup plus tard, fera la une de certains hebdomadaires londoniens. Avant d'aller plus loin, quelques informations sur la guerre elle-même. La flotte de la Royal Navy arrive dans l'hémisphère austral vers le 20 avril. Les Britanniques choisit d'abord de débarquer en Géorgie du Sud et s'empare sans coup férir de l'île. Dans le même temps, Londres décrète un blocus aérien et naval total des Malouines et une zone d'exclusion de 200 000 nautiques autour de l'archipel. Une zone où il se donne donc le droit d'attaquer tout avion ou bateau argentin. Et dès le 2 mai, il passe à l'action en bombardant Port Stanley et en abattant 3 avions argentins. Mais ce même jour, il se passe un événement encore plus grave. Alors même que les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit n'ont pas vraiment cessé. Ce 2 mai, donc, un croiseur argentin, le général Belgrano, est torpillé par un sous-marin nucléaire britannique. Ouais, il y aura des dizaines de morts. Ouais, plus de 300. Le bâtiment, qui était très ancien, a rapidement coulé. Problème, le général Belgrano se trouvait hors de la zone d'exclusion délimitée par la Grande-Bretagne. Pire, il faisait route vers l'Argentine. Il n'était donc pas hostile. Non, alors il est clair que cet acte de guerre directement commandé par Margaret Thatcher en personne n'avait qu'un but, saboter les efforts de paix du secrétaire général de l'ONU. La dame de fer ne voulait pas de la paix. Aucun prix, ça me semble évident. Dès lors, elle mise complètement sur la victoire. Mais 2 jours après le drame du général Belgrano, les Argentins répliquent et lancent un missile Exocet contre le Sheffield, ce destroyer dont je vous ai déjà parlé. Une réplique? Certainement, à partir de là, plus personne ne sera en mesure d'arrêter la guerre. Mais je reviens là au torpillage du général Belgrano, là. Couler un navire hors de la zone d'exclusion qu'on a soi-même fixée, c'est grave, hein. Est-ce que Margaret Thatcher s'est expliquée? Et y a-t-il eu des réactions en Angleterre ou ailleurs? Des réactions? Oui, il y en a eu. Parfois très négatives dans l'opinion mondiale. Beaucoup moins en Grande-Bretagne, où la ferveur guerrière l'a emportée. Et puis, n'oublions pas que la Dame de Fer avait le beau rôle. Elle était le premier ministre d'un pays démocrate. Et elle affrontait une dictature féroce. Alors, les explications, me demandez-vous, il faut bien dire qu'elles se sont résumées à une série de mensonges. Et la suite de la guerre, là? Alors je résume à grands traits. Contrairement à ce que pouvaient penser les stratèges britanniques, les Argentins ont mené la vie dure à la Royal Navy. Les aviateurs, en particulier, ont porté des coups terribles à l'escadre envoyée par Londres. Ouais, je crois me rappeler que 9 bâtiments britanniques ont été coulés. Et les Argentins en ont endommagé des dizaines d'autres. Ils ont aussi détruit nombre d'avions et d'hélicoptères. Dans ces conditions, les militaires anglais ont une priorité, mettre la main sur les 3 exocètes qui n'ont pas encore été tirés. C'est là où l'équipe d'assaut intervient. Elle informe Paris que les super-étendards ont été transférés très au sud sur la Terre de Feu. Aussitôt, Londres est prévenue. Mais la Terre de Feu, c'est très loin. Hein. Bien au-delà de la zone de combat, oui. Les Britanniques vont donc monter une de leurs plus grosses opérations depuis la Seconde Guerre mondiale. Nom de code, Mikado. Le plan très périlleux est le suivant. 60 hommes des forces spéciales seront embarqués dans des appareils C-130 qui doivent atterrir à Rio Grande, où se trouvent les 5 super-étendards argentins équipés de missiles Exocet. Objectif, détruire l'ensemble et tuer les pilotes. Mais c'est une mission suicide. Suicide, pourquoi? Les C-130 n'auront pas assez de carburant pour faire l'aller-retour. Les hommes devront donc se débrouiller par leurs propres moyens pour gagner la frontière chilienne. Et ce ne sont pas les seules difficultés. Des missions de reconnaissance doivent être effectuées pour préparer l'opération en amont. Mais là, heureusement, les Britanniques peuvent compter sur les satellites américains. Cela suffit-il? Non. Londres décide donc l'envoi en reconnaissance d'une équipe qui doit atteindre Rio Grande par hélicoptère depuis un porte-avions. Mais là encore, c'est pratiquement mission impossible, car l'autonomie des hélicoptères n'est pas suffisante. On envisage donc encore un aller sans retour, là. C'est ça. Ouais. 2 appareils décollent à la mi-mai. Mais cafouillage, la mission est annulée. Trop tard pour revenir sur le porte-avions. Un hélicoptère atterrit non loin de la frontière entre l'Argentine et le Chili. Et le deuxième, à court de gasoil, est repéré par un radar argentin. Il se pose au Chili, à proximité de Puntas Arenas, tout au bout du continent. Le pilote prend la décision de mettre le feu à son appareil. Les 3 hommes d'équipage seront récupérés par des policiers chiliens. Cette opération Mikado est donc bien mal partie. Mais les Britanniques ne veulent pas renoncer, ce qui prouve quelle importance ils attachent au péril mortel que représentent les Exocets. Alors, qu'envisagent-ils là maintenant? Une vraie mission kamikaze, consistant à cracher sur la piste 2 C-130 acheminant un escadron de forces spéciales. Toutefois, Mikado est annulé par Londres. Mais le 25 mai, un porte-conteneur rempli d'hélicoptères, l'Atlantic Conveyor, est coulé par deux exocètes, d'où l'élaboration d'un nouveau plan. Cette fois, il s'agit d'employer un sous-marin qui débarquerait des commandos. Mais la reddition des Argentins vient mettre un terme définitif à tout projet de raid. Et heureusement pour les Britanniques qui étaient attendus par trois bataillons de soldats argentins appelés en renfort autour de la base de Rio Grande. Ouais. Malgré tout, la France a donc été un allié plutôt loyal de l'Angleterre. Et Margaret Thatcher le reconnaîtra à plusieurs reprises. Cependant, comme les affaires sont les affaires, n'est-ce pas, vous devez savoir qu'un mois seulement après la fin des hostilités, la France a recommencé à procurer du matériel militaire à l'Argentine. Des exocètes ? Non, mais des avions. Et clandestinement, bien entendu, puisque l'embargo existait toujours. Alors, comment ? L'État hébreu détenait des Mirage 3 depuis 1967, reconditionnés sous le nom de Shabak. Paris s'est entremis pour que ces avions soient proposés à Buenos Aires. En tout, une vingtaine d'appareils qui ont permis à l'Argentine de remplacer les avions qu'elle avait perdus au cours de la guerre. Naturellement, la livraison s'est faite en toute discrétion. Les Mirages ont même été repeints aux couleurs de l'armée de l'air du Pérou. Enfin, j'en viens à la question essentielle, celle qui explique aujourd'hui le regain de tension entre les deux pays. Le pétrole. Et notez bien que déjà en 1982, on commençait à en parler, mais les experts jugeaient l'exploitation trop coûteuse en raison du prix relativement faible de l'or noir. Mais avec un baril à 100 dollars, comme aujourd'hui, tout change. Hein. Ah bah évidemment. On a une idée du potentiel pétrolifère de la région des Malouines ? Les estimations varient, mais les réserves sous-marines seraient équivalentes à celles de la mer du Nord. La mer du Nord, c'est un gisement qui s'épuise. Hein. Il est donc essentiel pour les Anglais de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement, même aussi loin de la métropole. Dès février 2010, les premiers forages opérés par une compagnie britannique commencent. Mmh. Réaction des Argentins ? Ah bah, écrit au charron et affirme qu'il s'agit d'un viol des résolutions de l'ONU votées après la guerre. Et ils prennent quelques mesures de rétorsion à propos du trafic maritime entre l'Argentine et les Malouines. Mais la véritable escalade s'est produite très récemment. En décembre 2011, les pays du Mercosur, Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay, ont décidé d'interdire aux navires portant pavillon des îles Malouines de mouiller dans leur port. Tandis que la veille de Noël, le Premier ministre britannique a réitéré son refus de rouvrir les négociations sur la souveraineté de l'archipel. Et j'imagine que l'approche là, du 30e anniversaire de la guerre doit ajouter à cette tension. Bien entendu. La présidente Kirchner est déterminée à faire de 2012 l'année des Malouines afin que les revendications argentines soient enfin entendues sur la scène internationale. Et du côté britannique, on fait le gros dos ? Non, on prend au contraire des décisions qui sont vécues comme autant de provocations par l'Argentine. Mais par exemple ? Le prince William vient d'être envoyé aux Malouines pour effectuer une mission de 6 mois dans le cadre de sa formation militaire de pilote de sauvetage. D'autre part, la Grande-Bretagne, qui dispose là-bas d'une garnison de 1300 hommes, a annoncé l'envoi d'un de ses plus modernes navires de guerre, le Dauntless, aux Malouines. Suivrait un sous-marin nucléaire d'attaque de type Trafalgar. Alors, Madame Kirchner hausse le ton. Les Malouines, vient-elle de dire, ont cessé d'être une cause des seuls Argentins pour devenir une cause des Latino-Américains, une cause globale. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez nous poser des questions à propos de cette émission qui a été préparée par Rebecca Denant, réalisée par Lucien Penaud et mise en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite après les informations, CO2, mon amour, de Denis Chessou.